serait utile de rappeler que ce n'est pas la force qui peut venir à bout des ténèbres. La lumière perdure. Elle est plus puissante que la force. Car sa présence, les ténèbres disparaissent. Je n'ai pas pris le bon virage. J'ai les yeux verts de rage. Je t'arrache la gueule comme du shit au cirage. Le bon sens se fait si rare qu'un mec qui dit un truc intelligent, ça fait bizarre. Ils s'acharnent depuis des lustres à nous dépolitiser. Ils veulent faire leur débat entre eux mais télévisés. C'est pas demain la veille qu'ils vont nous médiatiser. Ils sous le tête avant fallait qu'on se mette à teaser. Même si la France c'est pas le Bangladesh, c'est pas Dingladesh. Je viens de là où naissent les légendes. Ils feront tout pour nous briser les jambes. Pourtant on fait des choses bien, on en a même qui causent bien. C'est comme ça quand t'as pas, même le plus fidèle peut trahir. Demande à Katapa. On survit comme on peut sous une pluie acide. La racine, je veux marcher dans la lumière, mais l'enfermement, son vice m'a fait glisser vers l'ombre. Dans l'enfermement, je veux marcher dans la lumière, mais l'enfermement, son vice m'a fait glisser vers l'ombre. Dans l'enfermement, tous pris au piège d'un système diabolique. Y'a que peur et haine dans leur tube cathodique. On reste fort et on se défend avec notre zik. Faut se battre avant d'atteindre le point critique. Tic-tac, plus le temps sur la minuterie. On est que de la barbaque dans leur boucherie. En plus t'as moins fraîche en bas de la pile. Pas le Black Angus, plutôt Echo Plus sur le grill. Si t'as pas de flèche, reste tranquille. Entre impôts et répression, il cherche le chaos par soumission. On escrète jusqu'à surgir de l'eau comme crocodile. T'as la mâchoire de tonnes de pression. Gardez votre addition, elle est trop salée. Moi je suis antillé, mais je trouve le col est trop serré mon vieux. Ils prennent nos terres, nos sous, notre ADN. Bientôt ils arracheront même la rétine de nos yeux. Là où ils sont vicieux, rusés. Des réseaux à la télé, tout est fait pour nous contrôler. Ils taffent pour le diable et ses noirs projets. Analyse ça comme tu veux, je dis qu'il faut tout brûler. Laver par le feu pour mieux nettoyer. Je veux marcher dans la lumière, mais l'enfermement, son vice m'a fait glisser vers l'ombre. Dans l'enfermement, je veux marcher dans la lumière, mais l'enfermement, son vice m'a fait glisser vers l'ombre. Dans l'enfermement, tous pris au piège d'un système diabolique. Y'a que peur et haine dans leur tube cathodique. On reste fort et on se défend avec notre zik. Faut se battre avant d'atteindre le point critique. Je veux marcher dans la lumière. Son vice m'a fait glisser vers l'ombre.